Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Wattman, d'un dieu personnel, à barbe blanche, hors du temps de l'étendue, qui du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine aphasie, nous aime bien, à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais ça viendra, et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui sont, on ne sait pourquoi, mais on a le temps, dans le tourment, dans les feux, dont les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut en douter, mettront à la fin le feu, aux poutres, à savoir, porteront l'enfer aux nus, si bleu, par moment, encore, aujourd'hui, et calme, si calme, d'un calme qui, pour être intermittent, n'en est pas moins le bienvenu, mais n'anticipons pas. Et attendu d'autre part, qu'à la suite des recherches inachevées, n'anticipons pas, des recherches inachevées, mais néanmoins couronnées par la caca-académie d'anthropopométrie de Berne, en Bresse, de Testu et Conari, les établis sans autre possibilité d'erreur que celle afférente aux calculs humains, qu'à la suite des recherches inachevées de Testu et Connard, il est établi, ce qui suit, à savoir, mais n'anticipons pas, on ne sait pourquoi, à la suite des travaux de Poinçon et Wattman, il apparaît aussi clairement, si clairement, qu'en vue des labeurs de Fartov et Belcher, inachevés, on ne sait pourquoi, de Testu et Connard, inachevés, il apparaît que l'homme, contrairement à l'opinion contraire, que l'homme embrasse de Testu et Connard, que l'homme, enfin, malgré les progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, est en train de maigrir. Et en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré l'essor de la culture physique, de la pratique des sports, tel, tennis, le football, la course à pied et à bicyclette, la natation, l'équitation, l'aviation, la conation, le tennis, le camogie, le patinage sur glace et sur asphalte, le tennis, l'aviation, les sports d'hiver, d'été, d'automne, le tennis sur gazon, sur sapin et sur terre battue, l'aviation, le tennis, le hockey sur terre, sur mer et dans les airs, la pénicilline et succès d'année. Bref, je reprends en même temps. Parallèlement, de rapetisser, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, je reprends, l'aviation, le golf, tant à 9 qu'à 18 trous, le tennis, sur glace, bref, on ne sait pourquoi, en scène, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Marne-et-Oise, à savoir, en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, de maigrir, rétrécir, je reprends, Oise, Marne, bref, la perte sèche par tête de pipe depuis la mort de Voltaire étant de l'ordre de 2 doigts 100 grammes par tête de pipe environ en moyenne, à peu près chiffreront bon poids déshabillé en Normandie, on ne sait pourquoi. Bref, enfin, peu importe, les faits sont là. Et considérant d'autre part ce qui est encore plus grave qu'il ressort, ce qui est encore plus grave qu'à la lumière des expériences en cours de Steinweg et Petermann, il ressort, ce qui est encore plus grave qu'il ressort, ce qui est encore plus grave à la lumière des expériences abandonnées de Steinweg et Petermann, qu'à la campagne, à la montagne et au bord de la mer et des cours et d'eau et de feu, l'air est le même et la terre, à savoir, l'air et la terre, par les grands froids, l'air et la terre, fait pour les pierres, par les grands froids, hélas, au septième de leur ère, les terres, la terre, la mer, pour les pierres, par les grands fonds, les grands froids, sur mer, sur terre et dans les airs, peu cher. Je reprends, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, les faits sont là, on ne sait pourquoi, je reprends, au suivant, bref, enfin, hélas, au suivant, pour les pierres, qui peut en douter, je reprends, tout se jette sur Lucky, qui se débat. Je reprends la tête, en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, au suivant, la barbe, les flammes, les pleurs, les pierres, si bleues, si calmes, hélas, la tête, peut-être en Normandie, malgré le tennis, les labeurs abandonnés, inachevés, plus graves, les pierres, bref, je reprends, hélas, abandonnés, inachevés, la tête en Normandie, malgré le tennis, la tête, hélas, Connard, son chapeau. Vladimir s'empare du chapeau de Lucky qui tombe. Je suis vengé. Donnez-moi ça. Il arrache le chapeau des mains de Vladimir, le jette par terre, saute dessus. Comme ça, il ne pensera plus. Ne va-t-il pouvoir s'orienter? C'est moi qui l'oriente. Debout, porc! Il est peut-être mort. Vous allez le tuer. Debout, charogne! Aidez-moi. Comment faire? Soulevez-le! Estragon et Vladimir mettent Lucky debout, le soutiennent un moment, puis le lâchent. Il retombe. Il fait exprès! Il faut le soutenir! Allez, allez, soulevez-le! Moi, j'en ai marre! Allons, essayons encore une fois. Pour qui nous prend-il? Allons. Ne lâchez pas. Ne bougez pas. Tenez-le bien. Il met la valise dans la main de Lucky, qui la lâche aussitôt. Ne lâchez pas. Tenez-le toujours. Et voilà. Voilà, vous pouvez le lâcher. Allons ! Arrière ! Tourne ! Ça y est ! Il peut marcher. Merci, messieurs. Laissez-moi vous... Vous souhaitez... Où ai-je dormi ma montre? Ça alors? Une véritable savonnette, messieurs, à seconde trotteuse. C'est mon pépé qui me l'a donnée. Elle est peut-être tombée. Ça, par exemple. Elle est peut-être dans votre gousset. Attendez. Je n'entends rien. Venez voir. Il me semble qu'on devrait entendre le tic-tac. Ah, silence. J'entends quelque chose. Où? C'est le cœur. Merde, alors. Silence. Peut-être qu'elle s'est arrêtée. Lequel de vous sent si mauvais? Lui, plus de la bouche, moi des pieds. Bon, ben, je vais vous quitter. Et votre savonnette? J'ai dû la laisser au château. Alors, adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Et merci. Merci à vous. De rien. Merci. Et non. Merci. Mais non. Je n'arrive pas à partir. C'est la vie. Vous allez dans le mauvais sens. Il me faut de l'élan. Écartez-vous. En avant. En avant. En avant. Plus vite. Plus vite. Plus vite. En pliant. Adieu. Ça a fait passer le temps? Il serait passé sans ça. Oui, mais... moins vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai.